Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà, nous sommes déjà le mardi, début de semaine. Voici donc le retour de l'émission du mardi après-midi. Et puis aussi le dernier mardi du mois. Et oui, ça passe aussi très vite. Oui, parce que nous sommes bientôt à la fin du mois de janvier. Donc là, je vous laisse avec beaucoup de chansons différentes. On a peu écouté la musique qui bouge un peu, bien on va continuer avec la dance. Like some I came back to let you know On reste bien du côté de la dance et puis juste on écoutera la chanson française, la country et puis du rap et puis d'autres chansons différentes. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Girl into a woman.

as guidé mes jeux. Dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. T'es le manche d'amour pour toi. Ma vie est faite de tes yeux posés sur moi, et quand plus rien ne va, je n'ai pas trouvé mieux que le son de ta voix. Toi mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon seul recours, t'es le manger d'amour pour toi. Et pourtant tu le sais, un jour je m'en irai, mais jamais tout à fait, je reviendrai toujours, t'es le manger d'amour. Donnerai la vie avec cette chanson à la petite fille qui portera ton nom. T'es le manche d'amour pour toi. Jusqu'à mon dernier jour, t'es le manger d'amour pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Je vous laisse du côté du Portugal et juste après, ce sera le français. Vem, que nos seus braços esse amor é um. eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Estou casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Quando a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. E a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Foi no domingo passado que passei na casa onde havia mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não havia em nenhum lado as caranelas que tinham tabuinhas. No barulho olhado não vi nada, nada, nada que pudesse recordar. E a mariquinhas e ao vidro pegado e azulado onde havia as tabuinhas. Solidão de cara me deu, serei bem sobre este mal de pranto. Mas Deus te ouve o falo, falo de alegria. Vai ruar que os seus amores tão delicados, certa noite deu nas vias. Foi sair com os trovadores e mais um fado para fazer novas conquistas. E hoje sou doce e farinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões. Para lembrar saudades suas, ainda fui para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudades loucas, andam cantigas a bailar da boca em boca. Tristes bizarras, ai comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Tristes bizarras, ai comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Quando tristes a minha voz, tanto fado, se me atormenta a saudade, tanto fado. Quando tristes a minha voz, atormenta a saudade, canto fado. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade. Ciel. Qui ne s'est jamais réveillé comme au bord des larmes pour avoir aimé de trop près les yeux du. Un café qui fume au matin, qu'on ne touche pas. L'impression soudain que rien ne va. C'est l'amour fou. Qui fait de nous des hommages, nous, des amours. Tout pour un rendez-vous

Je vous laisse avec la soul et puis après ce sera le disco. I just want you to know that you created a thirst in me that only your arms can quench, and a hunger deep inside me that only your love can satiate. Heaven, baby. So come on, feed me. Time, feed me. Thank you. I work out every day. I get up out of bed. Singing and they're calling out for more. musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur. Tout en couleur. On fait un petit tour du côté de l'accordéon et juste après le folklore. We'll be right back.

Allez, viens danser. Pour quelle écriture je traverserai le chemin des mots? Pour quelle aventure je récolterai les moissons qu'il faut pour vivre et sourire au cœur de l'humain et pouvoir t'offrir le pouvoir qui tient au creux de nos mains, au creux de nos mains, au creux de nos mains, au creux de nos mains. Quand le jour s'achève, quand je te retrouve, et plus belle encore, quand mes mains se tendent vers la tendresse de ton corps. La nuit s'illumine, tu me fais revivre, tout est merveilleux. Je rêve à la vie et rien n'est plus beau que nous deux. Des millions d'étoiles nous accompagnent jusqu'au lendemain. Milliers de caresses, on n'en veut jamais la fin. Plus beau et plus fort chaque jour, nous deux, on vit ce grand amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à l'infini, c'est bien trop court. Alors je m'envole, puis je m'abandonne au fond de tes yeux. Ta main dans la mienne, on ne pourrait être mieux. Tu es mon histoire, la plus belle page. Tu es ma chanson, ma douce mélodie que l'on fredonne à l'unisson. Comme un ciel azur, tu viens, tu m'assures que tu m'appartiens. Chaque jour qui passe, c'est de plus en plus certain. On peut vivre une éternité, nous deux, pour ne rien changer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à l'infini, je t'aimerai. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à l'infini, je t'aimerai. J'ai voulu aller à la villa, tu es parti de ton pays, tu vis à présent dans la grande cité, et ce n'est pas vraiment ce que tu as rêvé. Maintenant, les murs de la ville, c'est ta prison. Dans ton salon, tu as des regrets, on ne te blâmera pas. Tes voisins de palier ne te connaissent pas. Tu te souviens du petit matin de ton départ, tu n'étais pas seul, t'as voulu aller à la ville. Tu as quitté un champ de blé pour trouver ici un peu plus de confort. Et tu dis maintenant partout que t'as eu tort. Quand vient l'été, tu viens faire un tour et l'on te voit dans ta voiture. Alors on croit que tout va bien, que là-bas tu ne manques de rien. Et on t'envie dans le pays. T'as voulu aller à la villa. Ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et puis on reste dans les chansons françaises avec Francis Cabrel, mais avant Dalida. Comme un oiseau blessé qui ne sait plus chanter. Corde de guitare qui vient de se briser, comme un soleil qui meurt en plein cœur de juillet, comme une ombre qui pleure sans savoir où aller, comme un jour où l'espoir n'est plus qu'un souvenir, comme un jeu de miroir d'où l'on ne peut sortir. Comme une fleur arrachée par le vent et la pluie, comme une heure arrêtée au cadran d'une vie. Plus l'été, comme l'image d'un matin qu'on ne peut oublier, comme la voix du silence qui vient nous crucifier, comme un soir où l'absence est trop lourde à porter, comme un chemin de pierre qui mène à la dérive, au milieu de la mer où nul ne peut nous suivre. Quand le courant nous tire, le hasard nous retient, on s'éveille en délire du sable dans nos mains. Et puis c'est toi, toi qui ne sauras rien de tout cela.

J'ai passé du temps assis sur les bancs de la rue à cogiter des conneries perdues entre le bien et la ruse, perturbé dans ma tête puis par les contrôles abusifs. Si je n'avais pas ma sœur, j'aurais pété un fusible. Pardonnez-moi mais le diable me tente. Je veux pas de contradiction, la daronne était forte, pourtant le mal me hante, frérot. Un spliff à la bouche, j'oublie tout autour de moi. Tes choix ont des conséquences quand tout explose autour de toi. Tes potes dans tout ça, où sont-ils tous passés? Ceux qui soi-disant étaient là ont vite cessé de nous capter. Faire souffrir ceux qu'on aime, apparemment c'est plus facile. Ronger de l'intérieur, je préfère sourire que de montrer que je suis fragile. Ce sont les conséquences d'un vécu assez trouble. Je ne regrette absolument rien, même si j'ai pas mal de doutes sur mes convictions. Peu importe, je les prostitue pas. Et si mes textes sont poignants, c'est peut-être que la vie me paraît pâle. Parce qu'il a tout construit, l'être humain se sent au-dessus. Aujourd'hui, j'aimerais tout lâcher pour me barrer sur la lune. Je n'accepte pas vos calomnies, vous nous prenez pour des cons. Nos cerveaux s'amaigrissent pour mieux vous envoyer dans le décor. On a fraudé les lois, combien de frères sont béton, instruits par la galère, trop fiers pour assumer nos torts. On est tous aussi lâches, aussi bien les uns que les autres. Ton destin est scellé, l'ami, que tu sois riche ou pauvre. Pourquoi vouloir la gloire, le fric et la célébrité? Monter au front, cesser le shit et les célébrités. Je suis dans ma matrice, putain, je n'attends rien de personne. Personnellement, le rap m'indique quand l'heure du personne. Et quand le père m'appelle, je repense à mon enfance. Les sourires sont trompeurs, je crois que je vais finir en transe. Rien ne va plus dans ce bas monde où tout le monde se critique. Et j'ai beau crier, criser, je crois devenir hystérique. Et sister vous convient, laissez-vous manipuler. Ma sister ne voudrait pas me voir lâcher tout capituler. C'est vrai que la vie est cruelle, mais on est qui on est quoi? Y'a que la mort au bout du tunnel et seul l'avenir en témoigne. On est tous des êtres humains, pourquoi cacher ses sanglots, ses sentiments se gâcher sordidement et vivre la tête sous l'eau? L'heure est grave, hier ils ont ramassé des corps dans les graves. À mon cerveau est en mille pour s'en sortir, il faut que l'on cravache. Dictés par des textes, des candidats à l'oppression. Très dur de sortir le peuple de la moutonisation. Ils ont installé leurs idées, appauvri le savoir, effacé les valeurs humaines afin de récolter la gloire. Rendu le peuple nombriliste avec leur esclavage moderne. Ouvrez les yeux, bordel de merde, y'a qu'un peuple qui gouverne. On n'est plus nombreux, mais désolidarisés. Ils vont réussir à diviser nos frères pour mieux régner. Oh. Le constat est alarmant, beaucoup se cachent au lieu de parler par peur d'une mise à l'amende. J'ai un rêve qu'un jour ou l'autre on soit tous unimane. Je suis peut-être le dernier humaniste, je défendrai même sous les balles. Je suis sous le charme de la musique et ce depuis ma plus tendre enfance. L'écriture est viscérale, malheureusement boycott en France. Un attentat, tout le monde crie à la liberté d'expression. Où sont tous les je suis Charlie quand on défend nos opinions? Et si vous cessez de nous suivre à cause de nos textes engagés, sachez que j'ai déjà mûrement réfléchi avant de parler. Je suis dans un délire complotiste. Et alors ouais je l'assume, je me bats pour des valeurs que vous oubliez au nom de la tue. J'ai rien en poche, donc la vie de ma mère j'ai rien à perdre. Si ce n'est ma vie, ma femme, mes proches, pour les défendre je vous ferai la guerre. Lyriciste pacifique, si je prends les armes c'est sans retour. Très peu d'amis car trop d'indiques dans ce pays de vautours. Bah ouais ma gueule, la confiance est une denrée rare. On était 20 puis 10 puis 3 quand la galère nous faisait rentrer tard. Oh. Y'a pas d'explication à donner, trop de langues se délient, comment pourrais-je leur pardonner? Bah ouais, mon dream n'est pas si rose, j'avoue je subis la vie comme atteint d'une cirrhose, noyé dans des larmes de whisky, le cerveau dans les nuages. La vie de ma mère j'ai sué pour pouvoir tourner la page. La vie à deux j'avoue c'est dur, mais y'a des bons côtés. Sans la présence de ma femme je crois que j'aurais fini enfermé. Des mois durant j'ai trimé jour et nuit pour remonter la pente et cesser de croire en l'homme depuis que les vautours m'arpentaient. Persécuté, je suis devenu parano. Comment réussir sa vie quand elle est dictée par un autre? J'ai trouvé la solution, enterrer un vivant, allumer un spliff de marijuana assis dans mon divan. Arc-en-ciel. Yeah. Thank you. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Bonjour à tous, alors on fait un petit tour avec le zouk et le flamenco, tout simplement court, voilà. Et puis juste après ces trois titres différentes, avec le retour chanson portugaise.

Arc-en-Ciel. Libérer de cette peur.

Steine auf seinem Platz. Auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Schieben, Schieben, Schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die ist schön. Oh ja, so eine sexy la nuit et le jour je séduis, j'adore composer. décorée, clair dans ma folie, les conseils je m'en balance, voir mes amis, aimer, être aimé, soirée cabaret, s'enflammer, s'exciter, faire ce qui me plaît, sans être condamné. Voici donc eh bien, le pop rock, et puis juste après il y aura d'autres chansons différentes, et puis aussi l'accordéon. Chantement

va sûrement nous casser la baraque à nouveau. Lui, Corchia, va remettre, mesdames, dans vos yeux, les étoiles de la fête à neveu. Louis Ledriche, comme à Joinville le pont, va sortir le meilleur de sa boîte à frissons, pendant qu'il y en a qui font la tournée des bistrots. Que fait la bande à Michel Prévost? La tournée des guinguettes, la tournée des musettes, à méga rendez-vous avec vous. La tournée des guinguettes, on oublie tout le reste, on s'amuse tellement. Noble de la province et tout en restant noble, la tête haute comme le plus beau des toreros, c'est face à face pour braver le puissant taureau. Le jour venu où tout se déchaîne, c'est le holé dans toutes les arènes. La quadrilla, elle arrive, sort du tunnel, les picadors sont fiers tout en faisant du zèle. Applaudissez, c'est la tauromachie, ovationnez toutes les acrobaties. La corrida travaille au carreton, la corrida sait parfaire la communion, la corrida c'est une vocation. La corrida, ce sont toutes les distinctions. Olé, olé, olé, olé, il faut savoir oser. Olé, olé, olé, aimer se glorifier. Passe noble de la province et tout en restant noble, bien habillés dans leurs costumes comme autrefois. La chaquetilla, veste brodée, étincella. L'ambiance monte dans les arènes de Nîmes. Lequel des deux en sortira victime? Le matador, le toréador connaissent la frime, montrant vaillance et fierté de l'héroïsme. Applaudissez, c'est la tauromachie, ovationnez toutes les acrobaties. La corrida travaille au carreton, la corrida sait parfaire la communion, la corrida c'est une vocation. La corrida, ce sont toutes les distinctions. Olé, olé, olé, il faut savoir oser. Olé, olé, olé, aimer se glorifier. Thank you. connais par cœur. Comme si je t'avais toujours connu. T'es ma meilleure amie, mon âme sœur. Avec toi, je suis dans le bonus. Entre nous, c'est physique. Comme la street, tu m'attires comme un aimant. T'es la plus belle de toutes mes musiques. T'es la brique et t'es le ciment. Viens, on style. On va voir ailleurs. On va vivre une autre life. Oublier nos malheurs. Viens, on style. On va voir ailleurs. On va vivre une autre life. Oublier nos malheurs. Viens, on style. Trop de jalousie, les juvisies, la vélisie. Trop de fantaisie. Leur amour est fort comme un fou gazé. Viens, on se bat. Une fois loin de tout ça, on se garde. Ne nous retournons pas. Viens, on se taille. On va voir ailleurs. On va vivre notre life. Oublier nos malheurs. Viens, on se taille. Vivre notre life, oublier nos malheurs. Viens, on style. Viens, on style. On va voir ailleurs. On va vivre une autre life. Oublier nos malheurs. Viens, on style. On va voir ailleurs. On va vivre une autre life. Oublier nos malheurs. Viens, on style. Demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec à moi a la voix de Music Soul Child. Il a du charme et du style à la Beckham. Il a la classe et le feeling tout droit sorti d'un film. Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos, non, il aime les formes du chilo. Voilà donc, il est 16h45 et sur cette chanson qu'on va tout simplement, et bien pour les autres émissions différentes, pour ce soir à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe. Et puis un autre Christophe juste après, entre 21h jusqu'à 23h. Évidemment, on sera donc eh bien mercredi avec Victor entre 9h jusqu'à midi. Et puis dans l'après-midi, entre 14h jusqu'à 16h, Gloria. Et puis donc en soirée, entre 18h et 19h30 avec Violette. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas. Voilà donc pour la ligne des programmes pour ce soir et pour demain, mercredi. Et quand il danse, mon mec c'est Usher. Un peu marche dans sa tête à la Dave Chappelle. Il m'appelle tout le temps car il m'aime. Mon mec regarde Scarface, Les Affranchis et Casino, mais aussi Friends Lost. Je vous laisse avec Diams et puis juste après elle, ça sera Soprano. Cultive, bah ouais, mon mec est top. Entre l'intello et le beau gosse, et peu m'importe, il se balade en Porsche. Bam, bam, bam, bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam, bam, bam, bam. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend peine. Bam, bam, bam, bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam, bam, bam, bam. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune